Toujours en Corée, la cérémonie d'inauguration du canal d'eau de la première étape de la province du Fang-et du Sud a eu lieu le 19 courant en présence du Premier ministre et des cadres intéressés, des bâtisseurs, des cadres et travailleurs du Fang-et du Sud. Le Premier ministre Park Bong-joon, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée et vice-président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, y a transmis le message de félicitations du Comité central du Parti du Travail de Corée adressé aux constructeurs et volontaires qui ont terminé parfaitement les travaux. Le Comité central du Parti du Travail de Corée y indique que c'est la création basée sur la capacité de se renforcer soi-même, manifestant le moral intrépide et la force inépuisable du peuple coréen, qui s'avance tempétueusement suivant la direction du parti et la bannière de la primauté de la capacité de se renforcer soi-même. Il dit que c'est une richesse éternelle qui revêt une grande importance pour le développement de l'agriculture et l'aménagement du territoire national. Il apprécie hautement les exploits des constructeurs et volontaires du canal d'eau du Fang-et du Sud, qui ont démontré une fois encore dans le monde que la Corée fait tout ce qu'elle décide et ont marqué un nouveau jalon dans l'application de la décision du 7e congrès du parti. L'allocution d'inauguration du vice-premier ministre et ministre de l'agriculture Ko In-ro a été suivie des interventions.